Chapitre 9e. Mes deux sous-officiers m'attendaient de pied ferme comme deux braves, et on était au second verre d'absinthe lorsque j'allais les rejoindre. À dire vrai, l'absinthe n'était pas nécessaire, car la divine providence, qui sait bien ce qu'elle fait, au dire des philosophes, a toujours eu soin d'aiguiser l'appétit de ceux qui ont le moins d'occasion de le satisfaire. Mais enfin, bail que bail, l'occasion était si solennelle pour moi, et mes témoins s'étaient offerts de si bon cœur à me servir, que je fis grandement les choses et que mes deux convives, après déjeuner, ayant voulu jouer au billard, l'un perça le tapis d'un coup de queue et l'autre, Tori, s'assit sur le chapeau neuf d'un monsieur très savant qui lisait d'un air attentif la revue des deux mondes. Ce petit accident faillit tourner au tragique, car le monsieur se mit fort en colère, et aurait, je crois, essayé de venger son chapeau à coups de poing si ses voisins ne l'avaient retenu et si je n'avais eu la prudence d'emmener Tori. Cependant, vers 4 heures de l'après-midi, nous nous séparâmes avec de telles protestations d'amitié que Tori me jura qu'il m'aimait autant que son frère cadet, qui était canonnier dans la première, du deuxième, de la cinquième, et plus que son frère aîné qui vendait du calicot dans la rue du Faubourg-Montmartre à l'enseigne du Saint-Martin. « Vois-tu, me dit-il, c'est entre nous à la vie et à la mort, et je voudrais qu'on dit du mal de toi devant moi, qu'on t'appelât Mazette, propre à rien, canaille ou va-nu-pied. Je leur donnerai un fameux coup de torchon. » Les protestations de son camarade ne furent pas moins vives et moins chaleureuses, et il ne tint qu'à moi de croire que j'avais acquis ce jour-là une paire de pilades prêts à se jeter au feu pour moi. Quelques minutes après, je revins à la maison où ma mère et Laure m'attendaient. Grâce au ciel, tout en encourageant mes amis à se désaltérer, j'avais gardé mon sang-froid. « Gaston Phoebus, dit ma mère, Laure m'a tout dit. Vos projets d'avenir, la demande que tu adressais à M. Plotin et l'offre qu'elle t'a faite et que tu as refusée. » Ici, je voulus l'interrompre. « Tu as bien fait de refuser, dit-elle, mais je veux que tu acceptes. À présent, il ne s'agit plus de vaines délicatesses. Entre vous, tout est commun, le présent et l'avenir. » Je protestais que je serais inébranlable dans mon refus. « Bien, répliqua Laure, je m'y attendais. Mais alors voici ce que j'ai décidé, et je serai tout aussi entêté que Gaston Phoebus. D'ici au mois de septembre, je veux que ce méchant garçon se prépare, comme il en avait le dessein, pour le concours du prix fondé par Don Miguel de Avalos y Guadarrama y Oslo Montes en faveur de l'auteur du meilleur livre sur l'histoire d'Espagne qui sera présenté cette année à l'Académie des sciences morales et politiques. Comme je suis persuadé d'avance que cette histoire sera un chef-d'œuvre, car j'ai foi dans le génie de mon cher Gaston Phoebus, je m'engage à la faire publier à mes frais, si, par une injustice impossible à prévoir, elle n'avait pas le prix, et dans ce cas, pour mettre tout à fait à couvert la générosité de cet historien trop délicat, je consens que le premier argent qu'il retirera de la vente me soit destiné. Voyons, suis-je assez arabe et corsaire? Ai-je pris assez de précautions pour ne pas perdre mon argent? Shylock lui-même n'aurait pas trouvé mieux. Et maintenant, cette histoire faite, ou du moins ébauchée, ce qui ne sera pas long, car il en a depuis longtemps préparé les éléments, Gaston Phoebus prendra son habit des dimanches, ses gants de cérémonie, son air grave et sensé, non pas celui qu'il a maintenant en me regardant, un autre, et il ira prier M. Aubaret, qui est son ami et le nôtre, de le faire nommer professeur de quelque chose dans un lycée de province. Il est licencié à cette lettre, ça ne sera donc pas difficile. Et, dis-je en l'interrompant, tu seras ma femme. Mes enfants, répliqua ma mère, votre mariage est certain, personne ne veut s'y opposer, pas même moi seul qui en ai le droit et qui le regarde comme l'événement le plus heureux de ma vie, mais rien ne presse. Il faut d'abord assurer l'avenir. Croyez-moi, mes chers enfants, vous ne serez jamais plus heureux qu'à présent. Vous avez à la fois l'espérance et la certitude du bonheur. Prenez donc patience. Qui sait d'ailleurs si ce que vous éprouvez l'un pour l'autre est vraiment de l'amour ou seulement une amitié exaltée par la vie intime et solitaire que nous menons ici. Je me récriais fort contre cette idée. Laure, sans rien dire, m'approuvait des yeux. Dans tous les cas, continua ma mère, un ménage nouveau entraîne des dépenses nouvelles. Tâchez d'amasser quelques fonds de réserve, car enfin l'homme ne vit pas seulement d'amour, mais de pain frais et de bœuf rôti ou bouilli. Au reste, vous ne serez pas séparés. Nous suivrons Gaston Phoebus en province. La conclusion fut que je me soumis à tout ce que ma mère et Laure voulurent m'ordonner et que j'allais le lendemain prendre congé de M. Plotin. Ce grand homme en parut surpris. Évidemment, il avait cru que je ne pourrais jamais le quitter. « Mon cher ami, daigna-t-il me dire, vous avez tort de prendre feu pour si peu de choses. Je vous croyais plus désintéressé. S'il ne tient qu'à 300 ou 400 francs d'augmentation, je suis prêt à y consentir pour ne pas me séparer de vous. Il était trop tard et je le lui fis comprendre avec politesse. « Mais qu'allez-vous faire ? » me demanda-t-il. Et quand je lui confiai le projet que j'avais décrit l'histoire de la guerre de la succession d'Espagne, 1832-1837, et de concourir pour le prix que devait décerner l'Académie, il me fit entendre assez clairement que ce sujet était au-dessus de mes forces. Mais je ne me décourageai pas, et il daigna m'offrir sa protection. « Dans tous les cas, dit-il, si vous voulez me montrer d'avance votre manuscrit dès qu'il sera terminé, il y a des coupures que je pourrais sans doute vous indiquer, des longueurs que nous abrégerons ensemble. Le conseil d'un ami n'est jamais à dédaigner. » Je fus assez touché de ces dernières paroles que je devais croire sincères et que je n'attendais pas. 4 mois plus tard, toutes mes notes étant prises, depuis 2 ans j'avais préparé ce grand travail, mon livre étant déjà ébauché, mon plan et mes conclusions étant terminés, je portais le tout chez M. Plotin qui le garda dans son cabinet sous divers prétextes pendant 3 semaines. Enfin, il me le rendit sur ma demande. « Ce n'est pas mauvais, » dit-il en me remettant le manuscrit, « et je suis persuadé que le public en sera content. J'écris moi-même depuis longtemps une courte esquisse de cette guerre, dont quelques traits ne diffèrent pas beaucoup de vos propres idées. Vous verrez cela avant peu. » Cette nouvelle, donnée d'un air négligent et protecteur, me fit trembler pour mon œuvre. Je ne doutais plus d'avoir été victime d'une indigne supercherie. Cependant, avant d'éclater, je voulus lire ce qu'il avait écrit lui-même. Hélas, je fus bientôt satisfait. 3 jours après, j'eus la douleur de lire dans une grande revue un article de 45 pages, signé Plotin, dans lequel ce grand homme avait daigné résumer en style cicéronien le manuscrit de son malheureux secrétaire. Le fruit de mes veilles était perdu, j'étais assassiné. En lisant ce funeste article, je me sentais pâlir et défaillir. J'achetai un exemplaire de la revue et je l'apportai à Laure. Elle lut l'article en silence et se jeta dans mes bras pendant que j'étouffais de colère et de désespoir. Je la serrai sur mon cœur avec transport et je me sentis près de pleurer. « Eh bien, » dit-elle enfin, car mon silence l'inquiétait, « que penses-tu faire ?»« Je vais aller chez ce misérable, le prendre à la gorge et le forcer d'avouer sa honte en public. » Elle secoua la tête. « Il n'avouera rien. On ne se déshonore pas soi-même. Il faut publier sa tromperie. Le public sera juge entre vous. » Je sortis, toujours muni de mon exemplaire de la revue, et j'allais sonner à la porte de M. Plotin. Mais dès que j'eus passé la porte cochère, le portier, qui me connaissait, vint à moi. « Monsieur Plotin est parti avant-hier. Pour quel pays ?»« Il ne me l'a pas dit. Mais il doit demeurer 3 mois en route. Je crois que monsieur est parti pour Constantinople ou pour Pétersbourg. Si monsieur avait quelque chose à faire dire à monsieur. »« Dites-lui, répliquai-je, qu'il est un cuistre. » Je ne manquerai pas de le dire à monsieur aussitôt après son retour. Monsieur n'aura-t-il pas autre chose à faire dire à monsieur ? Le sang-froid de ce brave homme me fit rire et calma un peu ma colère. Cependant, j'écrivis une lettre que je portai dans les bureaux de 3 ou 4 journaux où je racontais l'histoire de mon manuscrit. Je fus éconduit partout et c'était bien fait. Monsieur Plotin avait une réputation toute faite et moi, j'avais à faire la mienne. C'était la lutte du pot de terre contre le pot de fer. Le soir, je rentrai harassé, dégoûté de tout, ayant le travail en horreur et ne levant même plus voir mon pauvre manuscrit. « Il n'y a pas à hésiter, » dit Laure, « il faut chercher un autre sujet et te mettre à l'œuvre tout de suite. Demain, tu iras voir M. Aubaret pour qu'il te fasse nommer professeur au premier endroit venu. » Pour comble de malheur, le lendemain, j'entendis 20 personnes se récrier sur l'admirable article que M. Plotin venait de publier dans la revue. L'âge n'avait aucune prise sur ce génie toujours jeune et vigoureux. C'était un de ces hommes admirables de la forte génération de 1830 qui... et que... s'il venait à mourir, personne ne pourrait jamais combler le vide que ferait une telle perte, etc., etc. Vous connaissez la litanie pour l'avoir lue 100 fois à propos de celui-là et de beaucoup d'autres. Pendant ce temps, je dévorais ma rage en silence, car personne n'aurait voulu me croire si j'avais dit la vérité. C'est à moi, pourtant, pensais-je, qu'on donnerait tous ces éloges si l'article était signé de moi comme il devait l'être, et non de M. Plotin. J'avais tort. Le bon vin, quoi qu'en dise le proverbe, a besoin d'enseigne, et mon nom n'était pas une enseigne. Enfin, je vis M. Aubaret, à qui je racontais mon aventure, et qui n'en fut pas étonné. Il connaissait à fond M. Plotin. « Ce trait, dit-il, est digne de lui, et ne croyez pas que vous soyez pour cela dispensé de toute reconnaissance. Il racontera à tout l'univers et à vous-même les obligations que vous avez contractées envers lui. C'est lui qui vous aura nourri, élevé, instruit, c'est lui qui vous aura ouvert toutes les portes, et tout couvert de ses bienfaits, vous n'y aurez répondu que par la plus noire ingratitude. C'est par de tels discours qu'il s'est fait cette réputation de philanthrope sublime qui le suit en tout lieu, et qui en fait le digne objet de l'admiration de tous les badauds. Mais venons au fait. Vous voulez être professeur? Il le faut. Avez-vous la vocation? Qu'entendez-vous par là? Faut-il avoir une vocation spéciale pour enseigner le latin, le grec, l'histoire, la philosophie ou les équations algébriques, comme pour être prêtre ou soldat? Mon cher ami, dit M. Aubaret, si vous n'êtes pas patient comme l'âne, docile comme le chameau, doux comme le mouton, prudent comme le serpent, couvert comme la tortue d'un bouclier d'écailles, stoïcien comme Épictète, indifférent à la pauvreté comme Diogène, sage comme Platon, pieux comme saint Augustin, robuste des poumons comme saint Christophe, ami des évêques comme Constantin le Grand, soumis à la discipline comme un soldat russe au Knut, et savant comme Pic de la Mirandole, vous ne ferez jamais votre chemin dans l'université, et peut-être n'y resterez-vous pas 6 mois. Songez qu'en arrivant, il faudra rendre visite au préfet, qui se soucie de vous comme d'une carotte crue, mais qui serait indigné de ne pas recevoir votre carte. À l'évêque, s'il y a un évêque, qui vous recevra du haut de sa grandeur, et vous sondera ensuite pour savoir si vous êtes vraiment orthodoxe. Si vous ne l'êtes pas, comptez sur lui et sur l'immense armée de dévotes dont il dispose. Vous n'aurez pas un moment de repos. 10 bonnes femmes qui ne vous connaissent guère et que vous ne connaîtrez pas du tout, seront occupés à surveiller toutes vos actions, à commenter toutes vos paroles, à épier votre maintien à l'église si vous allez à la messe, et à vous dénoncer si vous n'y allez pas. Pour leur peine, elles auront le paradis, du moins elles y comptent. Ne parlez jamais aux officiers de la garnison. Vos mœurs en deviendraient suspectes, et ce qui est permis à un militaire fait destituer un professeur. Ne rentrez pas chez vous après le coucher du soleil. On se demanderait d'où vous venez, et la réponse ne vous serait jamais favorable. Si vous êtes invité quelque part, remerciez et refusez, à moins que ce ne soit chez un fonctionnaire ou chez un ami du préfet. Un professeur ne doit jamais faire visite à un orléaniste, rarement à un légitimiste, mais le comble de l'horreur serait de voir un républicain. Gardez-vous de celui-ci comme de la peste. Rendez le salut de loin, dans la rue, mais ne lui serrez jamais la main en public. Dans la plupart des petites villes, le nom de républicain est très mal porté. Il indique en général de petites gens qui vivent de leur travail, ou des gens turbulents, socialistes, honnêtes gens à la vérité et dignes de respect, mais au dire des imbéciles, disciples de Robespierre et mules de Marat, qui n'aiment que les révolutions, les massacres, les incendies, la guillotine. Dans un salon, soyez modeste, dansez peu, c'est de mauvais ton, et seulement avec les laides, celles que vous indiquera la maîtresse de la maison. Parlez peu. Un homme qui n'a pas 20 000 francs de rente n'a pas le droit de donner un avis, ni de s'adosser à la cheminée et d'écarter les pans de son habit pour se chauffer les mollets. C'est un plaisir réservé au maître de la maison, à l'évêque, au grand vicaire, en l'absence de monseigneur, au préfet, au général commandant le département, et après eux à tous les chefs de service. Le plus prudent serait de vous asseoir à une table de whist, et de perdre ou de gagner 40 sous par soirée. Grâce au silence que ce jeu exige, vous ne pourrez jamais dire de sottises, et l'on ne pourra pas vous en attribuer. Mais même au whist, il faut se garder de 2 écueils, trop gagner ou trop perdre. Si vous gagnez, vous mécontenterez vos adversaires, qui sont ordinairement des gens influents dans le pays, ou des vieilles femmes dont le mari est haut placé et dont la langue est à craindre. Si vous perdez, votre partenaire pourra bien vous jeter les cartes à la tête et vous appeler imbécile, surtout si c'est une vieille comtesse, marquise, baronne, ou simplement une bourgeoise vivant noblement. Ne vous tenez pas trop derrière les portes, comme font les gens timides, on vous prendrait pour un meuble, et l'on ne se ferait pas scrupule de vous déplacer. Ne vous avancez pas hardiment, comme font les gens sûrs d'eux-mêmes et de leur situation dans le monde. Gardez soigneusement l'entre-deux. Si on parle politique, tenez-vous quoi, et souriez d'un air fin et approbateur. Quelque chose qu'il vous arrive de dire, ne vous échauffez jamais. Cela étonnerait l'auditoire. Vous acquériez la réputation d'un original ou d'un cerveau brûlé, et vous seriez perdu. Ne parlez pas de votre classe. On vous appellerait pédant et cuistre. N'ayez pas d'esprit, on dirait que vous êtes léger et superficiel. En général, taisez-vous. C'est le seul moyen sûr d'éviter un malheur. Ou, si l'on vous force de parler, ayez une bonne demi-douzaine d'axiomes dans le genre de ceci. Que l'oisiveté est un maire de tous les vices, ou qu'un vice coûte plus cher à nourrir que deux enfants. On vous trouvera ennuyeux et pesant, mais solide. Vous aurez de l'autorité. Ne soyez pas flatteur et rampant. Vous seriez méprisé. Mais laissez échapper devant témoin cette pensée audacieuse que M. le recteur est une des plus fortes têtes de l'université, que M. le ministre de l'Instruction publique en fait un cas tout particulier et que vous avez entendu dire en haut lieu, chez M. Plotin par exemple, qu'on lui destinait l'un des postes les plus élevés de l'État. Soyez sûr que cette audace ne déplaira pas. Ne dites jamais de mal de personne. Médire est le plaisir favori de la province. Plaisir redoutable et qu'un professeur doit s'interdire à tout prix. Vivez en bonne intelligence avec vos collègues, mais ne soyez intime avec aucun d'eux, de peur de donner ombrage à vos chefs. Ne vivez pas seul non plus, car vous seriez encore plus suspect. Si le recteur vous invite à prendre du thé et que vous n'aimiez pas la tisane, faites un effort et gargarisez-vous d'un air aussi joyeux que si l'on vous offrait des truffes et du vin de champagne. Pensez que votre père était plus mal à son aise le jour où il passa la bérésina sur les talons du grand Napoléon. Faites votre partie de loto avec les enfants. C'est une politesse qui ne peut pas nuire, et la mère au moins vous en sera gré. N'oubliez rien. Ne soyez pas trop assidu chez l'évêque, ce qui déplairait au recteur et peut-être au préfet, ni chez le préfet, ce qui ennuierait peut-être la maîtresse de la maison. Surtout, mon ami, ne vous faites pas d'illusions sur votre état. Un professeur peut avoir du talent, du mérite, du caractère, de l'esprit. Hors de Paris, il ne sera jamais qu'un fonctionnaire mal payé, irrévocable à volonté. En Allemagne, en Suisse, aux États-Unis, un professeur est tout ce qu'il veut être. En Angleterre, il est quelque chose. En France, il n'est rien. Il faut accepter Paris, le seul endroit du monde où l'on fasse plus d'attention à l'homme lui-même qu'au titre dont il est affublé. Et maintenant, Gaston Phoebus, voulez-vous encore être professeur? Plus que jamais. Je songeais en toi alors et à mon mariage. Allons, dit Aubaret, le sort en est jeté. Je vais voir ce soir le directeur du personnel, qui est mon ancien camarade. Demain vous serez nommé et vous pourrez partir après-demain. En effet, deux jours après, je recevais l'avis que Son Excellence Monsieur le ministre de l'Instruction publique et des cultes m'avait nommé professeur suppléant de rhétorique au lycée de Rochebaron. Je partis le soir même, pressé de prendre possession et de chercher un logement pour ma mère et pour Laure.